Lille, midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour, il est midi, vous écoutez Radio Campus. Vous êtes bien au rendez-vous d'Angle d'attaque, que ce soit sur Internet, sur la FM 106,6 MHz évidemment, ou sur DAB+, Angle d'attaque, une émission proposée par les comités locaux Attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque, une association d'éducation populaire. Pour vous servir aujourd'hui, Florent, maître du temps de la pause musicale et de l'agenda militant d'Hémosphère, Ludovic au look gramscien, Didier, le rocker nouvelliste, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui, Morgane et Christian au micro. De quoi parlons-nous aujourd'hui? En gros, de la rentrée. Bon, on est en septembre, hein, ça se fait. Rentrée qu'on a affublée de trois substantiels que nous avons trouvés expressifs et surtout représentatifs de la situation. Restriction, répression, régression. Vous apprécierez l'effort intellectuel des auteurs pour l'identique composition trisyllabique des mots et de leur nom moins identique résonance, consonance, phonique. Ça pète, quoi. Bien. Avec un titre en triplette, on ne pouvait pas faire autrement que décliner l'émission sur le même modèle en trois parties. C'était l'évidence. Ça donne une rentrée politique, une rentrée sociale, une rentrée économique. Pour ce numéro d'Angle d'attaque, il n'y a pas d'invité et ce sont les animateurs précités qui vont animer l'émission. Et c'est Ludovic qui va commencer. Ludovic, comme lecteur attentif du Diplo et de Mediapart, il vous en parle tout de suite. Oui, alors effectivement, une rentrée qui je pense, va ressembler un peu aux épisodes qui ont précédé. Donc, cette rentrée a commencé par le fait que, malheureusement, notre cher président a gagné la mère de toutes les batailles, à savoir la retraite. Et donc, à partir de là, a donné un visage, effectivement, qui fait dire notamment à Frédéric Lourdon qu'on est en passe, peut-être, dans une période de pré-fascisation. Hein, il parle de la... comment on est passé à la faveur de cet épisode des retraites à une république policière, à une république fasciste, car il y a eu une république fasciste dans l'histoire. Donc quelques rappels quand même pour effectivement redonner, mais nos auditeurs et nos auditrices sont évidemment au fait de ce qui s'est passé. Donc une répression violente des manifestations donc, contre la réforme des retraites a été suivie donc, d'une répression des mouvements et des mobilisations écologiques dont l'acmé a été, souvenez-vous, fin juin, l'annonce de la dissolution des soulèvements de la Terre. Le tout avec une mise en scène destinée à justifier cette répression, à l'image des perquisitions et arrestations de militants fin juin, donc qui ont été, qui ont vu arriver chez eux, je crois que c'était le service antiterroriste qui, comme ce sont des éco-terroristes, on croit Darmanin, ils ont été traités comme tels. C'est cohérent. Tout à fait cohérent. À cela s'est ajouté, rappelez-vous, les pressions sur la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations, au point que les Nations Unies, qui ne sont pas particulièrement des gauchistes, se sont inquiétés de l'état du droit de réunion en France. Et en parallèle, le gouvernement français a insisté, et on le sait pas, mais je pense qu'il faut le rappeler, au Conseil de l'UE, pour limiter la protection des journalistes en cas de menace sur la sécurité nationale, beau lapsus. Et dans le même temps, le Sénat français autorisait dans certaines enquêtes le déclenchement à distance des caméras et micros des téléphones portables. Voilà. On en est là. Et début juillet, rappelez-vous, une sortie de Richard Ferrand, qui venait aussi couronner en quelque sorte cette phase répressive et quasiment proto-fasciste, qui au détour d'une phrase, Richard Ferrand a ouvert la porte à une modification de la Constitution permettant de ne plus limiter à deux le nombre de mandats présidentiels successifs. Donc, avec l'idée qu'éventuellement Emmanuel Macron pourrait se représenter avec une justification qui laisse quand même pantois, je cite, « Tout cela corsette notre vie publique dans les règles qui limitent le libre choix des citoyens ». Donc cette idée que et de rajouter hors de ce choix stratégique, donc en l'occurrence l'alliance avec la majorité présidentielle, c'est le suicide démocratique. Voilà, un suicide, rien que ça. Voilà. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de pays, que je ne citerai pas, le prolongement d'un mandat supplémentaire, ça se fait pas mal. Richard Ferrand qui a ajouté donc, cette phrase, la phrase suivante, qui là aussi mérite absolument d'être citée. « On ne peut pas toujours empêcher une folie collective issue de la perte du sens commun, mais elle se déploierait alors au détriment des valeurs fondamentales. » Donc à en croire les propos de Ferrand, le président de la République, qui en sert de plus en plus ce pays comme une proie, refuse de l'entendre et qui interdit les mouvements écologistes et les manifestations, serait le rempart contre une folie collective qui menace les valeurs fondamentales. C'est quand même assez incroyable. Quand même. Donc voilà. Donc effectivement, je pense qu'on est, on est vraiment dans une situation qui... Voilà. Et donc du coup, je pense que ça vient évidemment donner le là de la rentrée. On est de toute évidence... Alors il y a des manifestations, on en parlera tout à l'heure, mais ouais. De toute évidence, je pense que la phase répressive, me semble-t-il, ne va pas se refermer, mais voire peut-être même s'accentuer... ces prochaines semaines. Didier a un mot à dire dessus. Oui, enfin, je voulais dire simplement que quand on avait quelqu'un de brillant comme Emmanuel Macron, c'est sûr qu'on n'allait pas s'arrêter à des formalités administratives, fût-elle électorale. Mais je voulais poser une question à Ludovic par rapport à ce qui a été dit, enfin, par rapport à l'article notamment de Frédéric Lordon, qui me paraît quand même, sa thèse est de dire qu'on est au bord du fascisme, qu'on y est même carrément. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'exagération et ce côté, crier au loup, il y a Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Je vais citer l'intéressé. Donc, la thèse, donc, je rappelle, hein, Lordon a publié, je crois, fin juin, début juillet, donc, sur son blog la Pompe à Finance, donc un article très, très à charge donc, sur le pouvoir macronien qui parle effectivement de république. De la République policière à la République fasciste, la thèse c'est de dire que le macronisme ne serait que la République policière en voie de fascisation. Alors je vais citer l'intéressé, puisqu'il nuance un peu son propos vers à la conclusion de son article. Je cite, on ne dirait pas sans abus que le macronisme en tant que tel est un fascisme. On peut en revanche affirmer avec certitude qu'il aura tout installé et tout préparé. Les régimes monstrueux ne prennent jamais que sur des terreaux adéquats. Il cite la phrase de Brecht, hein, qui est assez connue, qui consiste à dire que le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution en temps de crise. Donc effectivement, je trouve que la formule de Brecht est plutôt intéressante. Donc Lordon la reprend et fait sienne cette formule de Brecht. Donc en 6 ans, le macronisme, totalement ignorant de ce qu'est une société, des forces qui la composent, de ce qui peut s'y réveiller, répandant partout une violence inouïe, aura déposé une épaisse et confortable couche de fumier. Tout va y pousser avec une déconcertante facilité. Bon, on verra ce que l'avenir dira, mais de toute évidence, on est quand même dans une phase, en tout cas autoritaire, qui en tout cas interroge, et on verra ce que les mois et les années, parce qu'il y a encore 3 ans, on verra si effectivement les propos très alarmistes de Lordon sont fondés ou pas. Bien, on va enchaîner. Est-ce que tu as ta réponse, Didier ? Absolument, oui. Très claire et très édifiante. Oui, effectivement, non, mais je pense que ta remarque était aussi justifiée. Si on passait à l'économie maintenant, puisque c'est le principe, la satisfaction de Bruno Le Maire, qu'est-ce que tu en dis, ou tout ce qu'en dit Romaric Godin Je croyais que c'était toi qui... Ah non. Alors, si on peut résumer en quelques mots la satisfaction de Le Maire, c'est de dire que on est très content qu'on a des exportations, qui sont favorables. On est, et en plus, on a diminué des importations. Alors, cette joie mérite d'être nuancée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque il faut quand même savoir que l'exportation, ça a été gagné par la vente de quelques Airbus et la vente d'un bateau, d'un paquebot de plaisance. Ça, c'est déjà un point. Ensuite, donc, ce n'est pas forcément des choses qui sont durables, d'une part. D'une autre part, le problème, c'est que la baisse des importations, c'est pire, puisque c'est la diminution de la consommation aussi en France, qui, on va le dire encore certainement dans l'émission, qui baisse de 10 et 11% depuis 2022. Donc, les gens consomment moins. Et Bruno Le Maire, qui ne comprend rien à l'économie, on l'a déjà vu plus d'une fois, lui se compte, est très content des résultats de la France. Bravo. Bien. Alors, bah justement, puisqu'il s'agit d'économie, on va passer peut-être à la situation... du CAC 40. Vous savez peut-être, certains l'avez-vous entendu, que les bénéfices annoncés du CAC 40 pour le premier trimestre de l'année, le semestre de l'année, est à hauteur de 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros, alors que la chute de la consommation, je viens de le dire, est de 10 et 11%. Alors, comment peuvent-ils faire autant de bénéfices? Eh bien, les entreprises... font du bénéfice parce qu'elles ont ce qu'on appelle en économie le pouvoir du marché. C'est-à-dire qu'elles ont le pouvoir d'augmenter les prix au-delà de la hausse des coûts. Bon, ça génère effectivement de l'inflation, mais des esprits un peu malicieux diraient « Mais attendez, ils ont des contrats de long terme, ils n'ont pas des blocages de prix ou des choses comme ça, de coûts en tout cas, qui permettent de bloquer les coûts des usagers, évidemment. » Eh bien oui, mais pas pour tous, en particulier, c'est pas les plus malheureux, c'est les sociétés d'autoroutes qui, elles, ont la possibilité d'indexer leurs tarifs sur l'inflation. Donc ça risque effectivement d'être un peu compliqué pour les citoyens qui prennent leur voiture et qui empruntent l'autoroute. Alors... quelles sont les entreprises qui font le plus de bénéfices dans ce contexte inouï de bénéfices monstrueux? Eh bien, c'est les entreprises, on ne sera pas surprise, les entreprises pharmaceutiques, évidemment, qui ont finalement gagné beaucoup grâce au Covid. Bon, on ne peut pas leur en vouloir aussi d'avoir fabriqué des médicaments, on est bien d'accord. Il y a aussi l'énergie. On sait combien la crise a permis à Total Energy de faire du pognon. Et la guerre en Ukraine, forcément. Et puis, les industries agricoles et alimentaires. Je crois qu'il faut ajouter, mais je ne me souviens plus du nom. Si vous le souvenez, dites-le-moi. C'est la compagnie maritime qui s'occupe des... De Monsieur Sadé. Monsieur Sadé, des containers, donc. Qui a la plus grosse... qui est le plus gros profit de ce premier semestre. Alors, si elles augmentent les prix au-delà de leurs coûts et de l'inflation, ça suppose effectivement qu'ils participent à l'augmentation des profits. Eh bien oui, c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve, puisque les entreprises en question... on a estimé qu'ils participent à hauteur de 50% à l'augmentation de l'inflation. L'augmentation des profits, donc, favorise l'inflation. C'est quand même une histoire assez jolie. Bien. Alors, le gouvernement, de toute façon, refuse, on le sait, de prendre des mesures contraignantes, comme, sauf les paniers anti-inflation, qui va d'ailleurs être éliminé dans le budget 2024. Le gouvernement qui refuse de bloquer les entreprises et de taxer les super-profits. Alors, La question finale, c'est comment ces profits sont-ils utilisés? Eh bien, on le sait aussi. Évidemment, il y a une part des profits qui sont réinvestis. Ça, c'est la moindre des choses dans une économie comme celle-ci, une économie capitaliste. Le problème, qui cherche à se développer, le problème, c'est que la majeure partie reste distribuée en dividendes. Et vous savez qu'en France, la France est la championne des distributions des dividendes en Europe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les profits n'étant pas réinvestis, ça veut dire qu'on est dans une situation qui est économiquement dangereuse, puisqu'on est dans une situation où la croissance risque de ralentir. Les solutions sont évidemment refusées par le gouvernement. C'est évidemment la hausse des impôts et la baisse des impôts sur les entreprises. C'est à peu près la situation dans laquelle on est. Il faudrait peut-être améliorer les salaires et non pas les bloquer. Voilà les situations dans lesquelles on pourrait améliorer pour l'instant, puisque effectivement, moins de croissance des salaires bloqués, moins de croissance, c'est la conséquence des déblocages des salaires et donc la diminution de la croissance. Donc voilà, tout ça n'est pas de bon aloi pour notre économie. Didier. Oui, tu as parlé de Rodolphe Sadé, donc quand on parle de super profit, on pense à lui, donc le patron de la Compagnie Générale Maritime. Il faut savoir aussi, c'est un peu une incidente par rapport à ce que tu viens de dire, mais qu'il est aussi propriétaire de journaux comme La Provence, Corse Matin, le site La Tribune, tout ça pour par rapport à des gens comme Daniel Kretinsky, Drahi et compagnie. Enfin, c'est-à-dire que leur pouvoir économique est aussi un pouvoir d'influence et un pouvoir d'opinion. Ouais, effectivement, l'augmentation des profits les oriente très rapidement, ces gens-là, vers la presse, curieusement. Et l'augmentation des millionnaires, parce que comme vous savez, je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport annuel de la richesse mondiale réalisé par la banque suisse UBS. En France, le nombre de personnes détenant une richesse évaluée à plus $1 million a augmenté, alors qu'aux États-Unis, il a baissé et la France est passée, je crois, à la troisième place du nombre de millionnaires devant le Japon, loin derrière la Chine et les États-Unis. Et les millionnaires français représentent 4,75% du total mondial. D'accord. On peut remercier, l'État. Monsieur Macron pour ce... Qui veille au dynamisme économique du pays. Tout à fait. Et comme ça va ruisseler, on sera bientôt... On va passer à l'autre côté de l'économie. On a parlé des profits, on a parlé des entreprises du CAC 40. On a dit qu'elles sont aussi moteurs de l'inflation en augmentant leurs prix au-delà de l'inflation, et il y a des conséquences à tout ça, et c'est Morgane qui en parle. Alors oui, donc on va parler là des restrictions, et d'abord commencer à s'appuyer sur les données du Secours Populaire, qui a publié le 6 septembre son dernier baromètre de la précarité. Donc qu'est-ce qu'on apprend avec ce baromètre? Les Français éprouvent de plus en plus de difficultés au quotidien. Donc, par exemple, 45% des Français se retrouvent en difficulté pour payer des frais médicaux supplémentaires, ce qui n'est pas remboursé par la Sécu. Et la même proportion, 45% des Français qui ont des difficultés à régler les dépenses d'énergie. Plus forte raison que le gouvernement a, depuis cet été, choisi de mettre fin, enfin, depuis cette année, a choisi de mettre fin au fameux bouclier, en fait, qui permettait d'aider les plus modestes à payer les factures d'énergie, en fait. On apprend aussi que le seuil de pauvreté a été fixé à 1 377 €, ce qui n'est qu'à quelques euros en dessous du SMIC, en fait. Donc, comment se définit le seuil de pauvreté? Donc, pour le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est les dépenses minimales de biens et de services nécessaires pour participer de manière effective à la vie sociale sans peur du lendemain. Ce sondage, 18% des sondés déclarent avoir du mal à mettre de l'argent de côté. On découvre aussi que 32% des Français, donc quasiment un tiers, a du mal à assumer de payer 3 repas sains par jour, donc en bonne quantité et des repas équilibrés. Donc 43% des Français ont du mal à assumer de manger régulièrement des fruits et des légumes frais. Et enfin, donc 6 Français sur 10 environ, donc c'est un 58%, ont déclaré déjà avoir été sur le point de tomber dans la précarité. Et 67% des Français connaissent au moins une personne de leur entourage qui est a priori confronté à la pauvreté. Absolument. Donc, effrayant. C'est assez effrayant, oui, tout à fait. Donc, dans ce contexte-là, on a une nouvelle invention merveilleuse, la shrinkflation. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça vient du verbe anglais shrink, qui veut dire diminuer, rétrécir, oui. Tout à fait. Donc, dans le contexte d'inflation sur les produits alimentaires, en moyenne de 11%, c'est un principe qui, pour les distributeurs, pour les industriels, consiste à garder le même emballage, le même produit, le même prix, mais à réduire la quantité qu'on trouve à l'intérieur de l'emballage, en fait. Donc, on a un exemple concret. Le Parisien a révélé que chez McDonald's, en fait, le burger Big Tasty est passé de 868 kilocalories à 663 kilocalories. Donc, voilà, c'est... donc, pour cause, un burger plus petit et un pain moins épais. Donc, le restaurateur prétexte que c'est un changement de recette et la possibilité de choisir une à deux viandes. Bon, on le sait tous que effectivement, on va tous chez McDo pour prendre soin de son alimentation. Hein, donc, voilà. Caustique, le Morgan, caustique. Tout à fait. Alors, donc c'est la chaîne. Pas plus mal qu'il y en ait moins, remarque. Oui, mais quand on paye le même prix, ça la fout mal quand même. et apparemment, il y a d'autres burgers qui sont là-dessus. Donc, d'après Michel-Édouard Leclerc, le président du comité stratégique du groupe de distribution Leclerc, ça concerne pas l'intégralité des produits, mais quand même de plus en plus. Et donc, y a plusieurs distributeurs qui commencent à tirer la sonnette d'alarme. Bon, je pense que c'est surtout les consommateurs qui se rendent compte de l'arnaque et qui se protègent un peu. Et dans un sondage récent, effectivement, 72% des sondés déclarent une quantité moindre dans certains emballages. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup pour répondre à ce phénomène du côté, de plusieurs côtés ? Donc, du côté du gouvernement, Bruno Le Maire va soutenir un texte de loi qui sera présenté début octobre pour obliger les industriels à rendre la pratique plus visible sur le packaging. Obliger ? Oui, c'est... Tu veux dire demander ? Ouais, c'est peut-être demander fortement, hein, mais oui, c'est quand même assez surprenant de la part de Bruno Le Maire. Hein. Olivier Grégoire missionne le Conseil national de la consommation pour réaliser une enquête sur cette pratique, une enquête qui va durer au moins jusqu'en 2024. Du côté de l'opposition, Mathilde Panot vise à purement et simplement interdire la pratique en considérant cette pratique commerciale comme trompeuse. Donc, en substance, elle dit que c'est une pratique déloyale qui provoque au mieux des mauvaises surprises pour le consommateur. Au pire, cela va accroître les difficultés financières de millions de Français. Ah ben moi, écoute, j'ai l'exemple, même si l'emballage a changé, c'est le jus de pomme, par exemple, qui est passé à 75 centilitres, mais au même prix que le litre. Voilà. La bouteille a changé quand même, c'était pas possible de faire comme autrement. Le tabac aussi, c'est pas mal. Oh. Ouais, mais du coup, le produit qui est, j'imagine, vendu au même endroit où on vendait la bouteille d'un litre. Ah oui, exactement, bien sûr. Et on va reprendre d'autres exemples emblématiques dans le monde de l'enseignement. Donc, chez les étudiants, en fait, les Restos du Cœur commencent à de plus en plus à faire partie du quotidien. Là, les colis de distribution alimentaire, quand j'allais à la fac il y a encore quelques années, régulièrement, il y avait à côté les colis de distribution alimentaire. Enfin, ça faisait partie du paysage, en fait, quoi. Les syndicats étudiants s'alarmaient déjà l'an dernier de la hausse du coût de la vie étudiante, donc de près de 6,47% pour l'UNEF, soit 49 euros par mois. Pour un budget d'étudiants restreint, c'est pas anodin. Et du côté des enseignants, donc on voit du côté des vacataires une situation de plus en plus précaire. Et dans l'éducation nationale, le gel du point d'indice qui fait quand même beaucoup de mal. Au début des années 80, un enseignant débutant touchait environ 2,3 fois le SMIC. Aujourd'hui, il n'en est qu'à 1,2 fois le SMIC. Donc, pour un niveau d'études qu'on demande l'équivalent à un master, je vous laisse évaluer le bénéfice, investissement, retour sur investissement, on va dire. En Europe, entre 2005 et 2019, le salaire des profs a augmenté en moyenne de 11%. Et pour la France, il n'a augmenté qu'entre 1 et 3%. Là où en Allemagne, en Autriche, en Pologne, cette augmentation se situe plus entre les 15 et les 30%. Alors oui, je peux dire un mot là-dessus aussi. Là, c'est intéressant parce que c'est une comparaison en parité de pouvoir d'achat. Mmh. Alors je vais pas me fatiguer trop, je vais pas prendre les pays que tu dis, mais je prends la moyenne de l'Union européenne. Mmh. Donc en salaire débutant, le salaire débutant moyen en Union européenne, c'est 36 000 euros par an. En France, c'est 32 000. Au bout de 15 ans de métier, c'est 49 000 l'Union européenne et c'est 40 000 en France. Ça se rattrape un tout petit peu vers la fin de carrière. 59 000 dans l'Union européenne et 57 000 en France. Les différences sont considérables et le rattrapage au rythme que fait le gouvernement, encore va falloir un quinquennat, j'ai l'impression. Voilà, et rattrapage où, donc, effectivement, il y a des petites promesses, des petites augmentations, et un plus gros rattrapage qui est conditionné avec le fameux pacte que veut faire signer Emmanuel Macron, donc demander plus d'heures de cours, plus de responsabilités, et qui est dénoncé par plusieurs syndicats comme un petit peu un pacte faustien, un pacte avec le diable, en fait. Ok, merci, merci Borgane. La rentrée sociale, quand même, quelques mots supplémentaires de Ludovic. Oui, alors le 13 octobre aura lieu donc à l'appel de l'intersyndicale une manifestation donc pour les salaires, voilà. Et puis donc le la qualité de vie en fait aussi il y a tout un ensemble de choses que l'intersyndicale a proposé notamment donc des questions qui sont évidemment la contrepartie de l'explosion des profits et curieusement, enfin c'est pas curieux mais c'est quand même très intéressant que les syndicats CFDT, CGT, FO, CFE, CGC, CFTC, FSU et INSA, solidaires évidemment, soient présents. Donc il y a un appel à l'augmentation du SMIC, ce que vient de dire Morgane me semble effectivement assez significatif du besoin d'augmenter le SMIC. 1600 euros, c'est rien de trop. Hein. Plus curieusement, j'allais dire, mais c'est pas bien ce que je dis, les impacts de transition écologique, pour une transition écologique juste, concernent à la fois, selon l'intersyndicale, les activités, les conditions de travail, les métiers, les emplois, les qualifications et les compétences. Voilà. Donc, il faut, selon l'intersyndicale, amener des solutions immédiates. Anticiper les impacts de la situation actuelle dans laquelle sont les ménages, préparer les investissements nécessaires, bien sûr, la sécurité de l'emploi pour les travailleurs et les travailleuses, et associer les salariés aux décisions qui sont prises dans les entreprises. C'est très ambitieux, mais c'est une bonne raison de participer à la manifestation intersyndicale du 13. Oui, Didier. Je crois qu'il faut quand même souligner qu'on a l'intersyndicale donc qui était celle de justement qui s'était battue contre la contre-réforme des retraites. Donc c'est quand même c'est une mobilisation qui avait quand même redoré un peu le blason du syndicalisme en France. Et je crois que c'est de bonne augure que justement cette manifestation s'inscrive dans le droit fil des manifestations sur les retraites et que cette intersyndicale perdure et soit pérenne. Eh bien, on le souhaite autant que toi, Didier. Effectivement, ça nous semble fort important qu'elle soit solide. Et je vais passer maintenant aux questions qui sont d'ordre, j'avais dit économique au départ, mais ce serait plutôt d'ordre financier, puisque je me suis intéressé au budget de l'État. Et en regardant le budget de l'État, on ne peut pas éviter de regarder ce qui est en amont du budget de l'État. Et ça commence par une loi de programmation des finances publiques. Et donc, on va passer forcément un peu de temps, s'il vous permettez, sur les instruments de financement européens. La loi de programmation des finances publiques, c'est un texte qui est pas contraignant, mais qui annonce la couleur pour les 5 années à venir de l'État français. Donc, vers quoi on va ? Quels sont les moyens pour y parvenir ? Surtout, que l'on sort, lorsque a été écrit le plan de la loi de programmation, de la crise Covid. Donc, l'orientation, on ne va pas du tout s'en étonner, compte tenu que nous connaissons bien notre gouvernement, que l'objectif sera au critère de Maastricht, au moins un. Les autres, ce sera pour plus tard. Enfin, je l'espère même pas, d'ailleurs. Le critère qui est retenu, c'est celui du déficit déficit budgétaire en dessous de la barre des 3% en 2027. En fait, on en sait plus grâce à la préparation du budget 2024, puisque en 2023, le taux d'inflation, le déficit budgétaire doit être à 4,9% et de 4,4% pour le budget, pour la loi de finances, 2024. Et on prévoit d'être en dessous des 3% en 2027 au gouvernement. Voilà. Alors, inutile de vous dire qu'avec les chiffres que je viens de dire sur le déficit budgétaire, on est dans une loi de programmation qui fait partie des engagements de la France vis-à-vis de Bruxelles, pour une bonne raison, c'est qu'il y a du fonds européen à aller chercher. La France a promis de faire voter ce texte pour témoigner de son sérieux budgétaire sur les 5 ans à venir. Il l'a promis parce qu'il a été publié le 15 décembre de l'année dernière, en 2022. Mais pour autant, comme ce n'est pas des choses qui impressionnent beaucoup, et en plus il n'y a pas contraignant, on a refusé de voter pour l'instant. Et là, pour le coup, BLM, Bruno Le Maire, le remet sur le tapis et veut absolument que ce soit examiné en amont de toute préparation du budget national. Donc, fin septembre, il a promis, il se promet, et il promet à l'Europe, du coup, que le budget sera voté. Quitte à, c'est ce qu'on dit dans les milieux autorisés, quitte à utiliser le premier des 49.3 d'une série qui s'annonce peut-être un peu longue. Voilà, donc il s'agit de rassurer les créanciers et s'assurer du versement des fonds européens. Alors, les fonds européens, ils sont de deux ordres. Le plan de relance de l'Union européenne. Alors, le plan de relance de l'Union européenne, ce plan de relance a un nom anglais, il n'y a pas de nom français, donc on va traduire, hein, Next Generation EU. En fait, la France, la régénération de la France, la régénération de l'Union européenne en français, qui est destinée à soutenir donc les pays à la suite de l'Union européenne, à la suite de la crise Covid. Ce plan, qui est prévu pour la période 2021-2026, est constitué principalement de la facilité pour la reprise et la résilience. On va entendre parler de ce mot assez régulièrement, à hauteur de 723 milliards d'euros. Mais ça va vous rappeler quelque chose, ces 723 milliards d'euros, puisque ce serait dégradé, mais je n'explique pas pourquoi, les 750 milliards d'euros prévus en 2020, où il y avait une bataille entre les frugaux pour éviter de trop financer les pays qui sont trop consommateurs, à savoir les pays du Sud, évidemment, dont la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et puis le Portugal. Donc, il y avait à part égale, à peu près, 350 milliards de prêts et 350 milliards de subventions. Voilà le fameux facilité pour la reprise et la résilience. Alors, le plan comprend un certain nombre de réformes, une vingtaine, et puis des investissements, 71, qui sont soutenus par les subventions qui, pour la France et pour la période 2021-2026, représentent 39 milliards d'euros. Trois objectifs pour ce plan de relance Next Generation EU. La transition écologique, vous avez peut-être entendu parler de MaPrimeRénov, la transition numérique et la résilience économique et sociale. Autre forme de financement de l'Union européenne, c'est le budget de l'Europe. Il n'y a pas à proprement parler de budget européen. Il y a un cadre financier pluriannuel qui est à hauteur de 1 800 milliards d'euros, et pour lesquels, évidemment, la France, là, pour le coup, contribue. Alors, pour bien faire comprendre les enjeux de pognon de l'affaire, c'est que les deux sommes sur les sites de l'Europe, les deux sommes s'additionnent. Et donc, on a bien, j'ai dit une connerie, 1 000 milliards pour le budget de l'Europe et 800 milliards pour le plan de relance de l'Union européenne, en tout donc 1 824 milliards d'euros. Alors, il faut savoir que la France va toucher donc 49 milliards au titre du plan de relance et qu'elle a déjà touché 7,4 milliards en 2022. Et réclame le 1er août, elle a réclamé 10 milliards à l'Union européenne. On va savoir s'ils vont les toucher. Actuellement, le gouvernement recherche 10 milliards d'euros. Pour mémoire, la contribution de la France au budget européen est à hauteur de 27 milliards d'euros, soit à peu près 10% des contributions des pays, 18% des contributions des États membres. Voilà pour la programmation des finances publiques et puis les intérêts qu'elles portent à la finance européenne. Le projet de loi de finances maintenant, qui est préparatoire au budget. Le principe de base de la loi de finances, c'est qu'en principe, tous les ministres de janvier à septembre participent, sous la coordination du ministre du budget, à la préparation du projet de loi de finances. Donc c'est les recettes et les dépenses qui sont à prévoir. Donc, ce travail de loi de finances, c'est bien sûr ce que voteront les députés à la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre. On n'oublie pas le semestre européen, il y a toujours quelque chose en plus. Vous savez que la Commission invite les États membres, dans le cadre du Conseil européen, à présenter leur programme de réforme et leur programme de stabilité et de convergence. C'est en avril que ça se passe et c'est bien sûr à la Commission de décider si ça va ou si ça ne va pas. Donc les plans sont exposés et puis il y a des recommandations, notamment la recommandation la plus importante au gouvernement français et à d'autres d'ailleurs, mais surtout au gouvernement français, c'est-à-dire calmez-vous sur les aides aux ménages notamment et les blocages laissez tomber un peu les blocages des prix. Le budget, donc, c'est-à-dire la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges selon un équilibre économique et financier qui est défini auparavant par le ministre responsable du budget. La loi de finances initiale, donc, je résume, définit le budget initial de l'État. La loi de finances rectificative, on en a déjà entendu parler, à propos des retraites. C'est donc dans le courant de l'année, évidemment. Le principe de base du budget, donc pour en dire un mot, le budget de l'État correspond à l'ensemble des ressources et de ses dépenses. Là, je suis en train de me répéter. L'essentiel des ressources provient évidemment des impôts et des taxes payées par les citoyens et les entreprises. Les dépenses correspondent à l'argent que l'État utilise pour financer ses différentes missions, notamment les missions régaliennes de la police, de justice, de recherche et d'éducation. Et depuis 30 ans, même 40 ans d'ailleurs, le budget fait apparaître un déficit. L'accumulation de ces déficits constitue la dette de l'État. Du coup, on a bien compris que si le gouvernement ne veut pas ajouter, à la dette pour réduire le déficit, il n'y a pas pléthore de solutions. Soit on augmente les impôts, soit on diminue les dépenses publiques. Comme augmenter les impôts pour le gouvernement actuel, c'est hors-jeu, eh bien voilà, on va réduire les dépenses publiques. Quelles sont ces dépenses que l'on va réduire? Eh bien, dans la prévision du gouvernement, c'est pas facile déjà. Il faut le reconnaître, dans un pays comme le nôtre, l'administration et le service public sont puissants. Donc on va essayer de trouver un certain nombre de choses après les années de quoi qu'il en coûte. On va faire les premières coupes dans les dépenses publiques pour dégager 10 à 12 milliards. Comment et où? En puisant dans une première revue les dépenses, le logement, les emplois, les dépenses brunes qui représentent progressivement sur le quinquennat 10 milliards d'euros. Donc chaque année, on va en réduire un peu plus ces dépenses pour le logement qui en a bien besoin. Morgane en a parlé tout à l'heure. Il faut savoir que la simple réduction de 5 euros de l'APL a eu un impact considérable sur la construction des HLM en France. Alors, il y a aussi les dépenses brunes. Alors, quelles sont les dépenses brunes? Vous le savez, c'est quoi une dépense brune? Électroménager, non? Non, non. Les dépenses brunes, c'est des dépenses qui sont favorables à une dépense de négative. C'est-à-dire, on accepte que les blocages des prix pour le gasoil des entreprises pour les routiers et pour l'agriculture. On va toucher aux routiers, mais on ne va pas toucher à l'agriculture, il ne faut quand même pas charrier. L'augmentation des recettes, en dopant l'activité, parce qu'on est convaincu qu'on va doper l'activité. D'ailleurs, première chose, concernant les recettes, Madame Elisabeth Borne nous dit « Nous ne tomberons pas dans la facilité des hausses d'impôts ». C'est aussi simple. Des hausses, évidemment. Voilà. Ça, c'est trop facile. Donc, on va chercher quelque chose de plus rude et on est convaincu qu'avec les restrictions sur l'assurance chômage, l'augmentation de la durée de retraite et même l'industrie verte, les entreprises vont être dopées et les rentrées fiscales vont venir avec. Il n'y a personne qui peut croire ça, sauf, effectivement, notre BLM, Bruno Le Maire. Il faut penser d'abord aux moyens de créer de la richesse plutôt qu'aux moyens de collecter toujours plus d'impôts, dixit le bonhomme en question, qui continue d'être convaincu de croire que les seules entreprises privées créent de la richesse. C'est quand même dramatique. Il faut quand même lui enseigner un jour ce qu'est le produit intérieur brut. J'ai l'impression qu'il n'en a jamais parlé. Même l'agence de notation Fitch, il faut le rappeler, a dégradé la note de la France, fort du fait que ces baisses d'impôts, finalement, ne servent à rien, en fait. C'est pas... Parce que la productivité a baissé dans ce pays, et donc le ruissellement ne marche pas, en fait. Même des agences de notation, finalement, prennent acte de cet échec, de cette théorie du ruissellement. C'est dire si ce gouvernement est absolument buté et complètement dans une dérive idéologique. Oui, je crois que c'est à peu près le mot qui est ça. Quoi. On est sur une idéologie complètement bloquée sur un certain nombre de choses et de ne pas vouloir comprendre un certain nombre d'éléments que quand même des premières années d'études d'économie montrent sur le PIB qu'il n'y a pas que les entreprises qui créent de la richesse. Enfin, c'est absolument hallucinant. Quoi. Bon. Et plusieurs organismes disent bien, dont l'INSEE, que la politique d'inspiration libérale, néolibérale de Macron sert surtout à augmenter les revenus, le patrimoine des plus riches, les dividendes, mais que derrière, les effets sur la croissance, etc., c'est pas non plus démontré. Oui, alors effectivement, donc, tu as raison, en fait, le fait que les gens se privent, c'est une espèce de ruissellement à l'envers, en fait. Et puis s'il y avait ruissellement, est-ce qu'il y aurait vraiment une baisse de 11% de la consommation des ménages en France? Je pense que faut quand même pas exagérer. Bien. Eh bien, je signale encore, quand même, puisque le temps m'est compté par Florent, que, évidemment, on va poursuivre le rétablissement des comptes publics. Les crédits budgétaires, c'est-à-dire ceux qui sont alloués

Et vous êtes bien sur Radio Campus 106.6, sur campuslille.com et DAB+. Et maintenant, c'est la suite de l'émission Angle d'Attaque et on va passer aux actualités. Aux actualités d'Attaque que l'on doit à René qui n'est pas là et qui va être opéré bientôt et qui voilà, nous a fait le plaisir de nous envoyer son petit texte qu'il aurait dit s'il avait été là. Et c'est donc Didier qui commence. Donc je commence avec au plan national, donc les 25 ans d'Attaque. Hein, 25 ans et toujours d'Attaque. Le 6 juin 2023, Attaque a eu 25 ans, donc son quart de siècle. Fondée en 1998, Attaque milite pour la justice fiscale, sociale et écologique et conteste le pouvoir pris par la finance et les multinationales sur les peuples et la nature, accompagnant les mouvements sociaux et les luttes écologistes, féministes et antiracistes. Donc à Paris, un temps fort national est prévu le samedi 4 novembre, mais partout en France et à l'échelle régionale, les comités locaux préparent des événements. Donc on en parlera, Christian en parlera plus tard, donc c'est aussi ce qui se passe pour la métropole lilloise. Bon, eh bien, c'est René, on le salue, René, hein, avait prévu aussi de réfléchir, de pencher sur la marche unitaire du 23 septembre 2023. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'être unis contre les violences policières. Ludovic en a dit un mot. Le racisme systémique et pour les libertés publiques. C'est un appel unitaire déjà signé par 118 organisations au niveau national et bien entendu Attaque France. La crise démocratique, sociale, politique que nous traversons est très grave. Le meurtre de Nabel, tué par un policier à bout portant le 27 juin 2023 à Nanterre, a mis de nouveau la lumière sur ce qui doit cesser. Et on pourrait parler de cette femme qui a été tuée aussi, mais enfin, de Geneviève Le Guay. Pardon, nous appelons à reprendre la rue le 23 septembre, organiser des manifestations ou d'autres initiatives sur tout le territoire pour faire front contre la répression. Des contestations sociales, démocratiques et écologiques pour la fin du racisme systémique, des violences policières et pour la justice sociale, climatique, féministe et les libertés publiques. Nous exigeons des réponses immédiates dans l'urgence, une réforme en profondeur de la police et l'abrogation de la loi de 2017, le remplacement de l'IGPN par un organisme indépendant, la création d'un service dédié aux discriminations touchant la jeunesse, un plan d'investissement public ambitieux dans les quartiers populaires et sur l'ensemble des territoires. On sait combien ce serait nécessaire, déjà à Marseille, mais maintenant à Nîmes et bien dans d'autres villes. Pour le procès des activistes, donc on a déjà parlé de la criminalisation des mouvements sociaux, avec tous ces éco-terroristes qui empêchent le progrès et le développement. Donc à Niort, bon, le vendredi 8 septembre, il y avait le procès suite à Sainte-Soline. Donc sept porte-parole de collectifs et de syndicats et de militants étaient appelés à comparaître suite à la mobilisation contre la méga-bassine de Sainte-Soline. Donc, mais vers 22h, le président du tribunal a décidé de suspendre l'audience en raison de la confusion et de la longueur des débats. Le procès reprendra le 28 novembre à 9h précise. Malgré l'interdiction de la manifestation de soutien, de nombreux sympathisants, dont des militants d'Attaque, étaient présents pour dénoncer les violences policières, les processus d'accaparement de l'eau et le démarrage d'un nouveau chantier de méga-bassine à Prières. Ouais, et pas seulement d'ailleurs. Et ailleurs, oui. Blocage de l'aéroport du Bourget, donc ça c'était à Bobigny le jeudi 31 août. 12 militants d'Attaque et d'Extinction Rébellion ont été convoqués au tribunal de Bobigny et poursuivis pour dégradation en réunion, organisation d'une manifestation interdite et refus de se disperser après sommation. Oulala, les vilains. Donc le 23 septembre 2022, il et elle avaient investi l'aéroport du Bourget pour dénoncer la responsabilité des ultra-riches dans la crise climatique. Un rassemblement de soutien était organisé par plusieurs organisations. Donc la salle était comble. Le délibéré doit être rendu le 14 septembre. Le procureur requiert 90 jours d'amende de 15 euros, soit 1350 euros par personne. Une somme modique. Et comme l'exprime Lou Chesnay, donc, qui était porte-parole d'Attaque, enfin l'une des porte-paroles d'Attaque, ce n'est pas aux activistes que l'on devrait demander des comptes, mais aux ultra-riches qui ne représentent que 1% de la population mondiale, mais 10% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, effectivement. Au plan local, ben, les 25 ans d'attaque, évidemment, ça se fête. Les trois comités locaux de la métropole ont prévu un événement le samedi 18 novembre dans l'après-midi ou en soirée, on va voir, et peut-être même les deux d'ailleurs. Donc il y a des groupes de travail qui penchent sur différents thèmes qui sont chers à attaque, les biens communs, les grands projets inutiles et imposés, et puis tout ce qui est projeté par attaque, évidemment. Voilà, on a une réunion préparatoire dans le courant de la semaine prochaine, si je ne m'abuse. 21 septembre. Ouais. La marche unitaire du 23 septembre, bah évidemment, on va se coller aussi à la marche unitaire du 23 septembre, on en a parlé. À Lille, bah, le rendez-vous, ce n'est pas très original. C'est à 14h30, place de la République. Alors, on rappelle, hein, contre les violences policières, le racisme systémique et pour les libertés publiques. Parc Friche Saint-Sauveur, alors le 29 août, il a été procédé, par la voie la plus grave que je peux, à l'expulsion des habitants du campement de la Friche. Des grilles ont été installées autour du belvédère pour en interdire l'accès et les potagers et structures qui ont été réalisées par les militants ont été détruites. Je pense notamment au doigt d'honneur que Tom Joe voulait penser qu'il aurait pu être installé dans la mairie. Être intéressant, mais je ne crois pas que Martine Aubry ait accepté. Enfin, c'est une affaire à suivre. Le 31 août à 19h, rassemblement s'est tenu en signe de protestation, mais même si Claire a pris la parole, à la fin de l'événement, on nous a laissé quelques espoirs, peut-être avec cette intervention de Claire, mais on est quand même bien abattu par cette situation. Nadar, nous avons participé en tant que membre d'attaque à l'association, au conseil d'administration de l'association Nada, et on prévoit des événements dans les prochains jours du mois d'octobre, ou plutôt, oui, plutôt octobre que septembre, qui était prévu au départ. Sur le forum, ou plutôt les forums des associations, puisqu'il y en avait un à Roubaix le 9 septembre. Donc pour Villeneuve-d'Ascq, c'était le dimanche 10 septembre. Donc bien un bilan positif, public intéressé, plusieurs personnes connaissaient l'attaque, ils ont fait une adhésion. Et la présence de Radio Campus en direct de 13h30 à 18h. La réunion de rentrée de Radio Campus, donc ce sera le samedi 30 septembre 2023 à 11h à la Maison des étudiants. Et enfin, une journée à la campagne organisée par des membres de la Confédération Paysanne. Donc ça se passe le dimanche 17 septembre de 10h à 17h dans la ferme de Jean-Michel Sauvage à Courcelles-le-Comte, environ 15 km au sud d'Arras. Donc sont prévues des visites de parcelles de maraîchage, des ateliers, des stands, un repas paysan et une conférence débat sur la sécurité sociale de l'alimentation. Enfin, sachez qu'Attaque et Lille participe à la préparation de la COP28, enfin la contre-COP28 évidemment, en essayant de mobiliser l'Alliance écologique et sociale. Voilà, les ateliers, les activités des attaques sont terminées, oui. Et voilà. On passe donc au rendez-vous militant. Donc, manifestation cet après-midi de commémoration du meurtre de Jina Mahsa Amini en Iran et de la révolution qui a suivi. C'était il y a un an, le 16 septembre 2022 à Téhéran. La police iranienne a assassiné Jina Mahsa Amini suite à son arrestation pour un voile, entre guillemets, mal porté. Le meurtre de cette jeune femme kurde a fait éclater un énorme soulèvement populaire dans tout le pays. Et donc, rendez-vous cet après-midi à 17h, place de la République, pour un rassemblement suivi d'une manifestation. Conférence gesticulée, je t'aime mon camarade, manifeste pour des organisations politiques plus joyeuses. Donc Florence milite dans une organisation politique de gauche, elle observe et subit des comportements qu'elle ne s'attendait pas à voir parmi ses camarades, intimidation, autoritarisme, violence sexiste, mise au banc. Mais pourquoi trop souvent les organisations politiques n'appliquent pas en interne ce qu'elles défendent dans leur programme émancipateur ? Elle nous raconte avec sincérité ses premiers pas de jeune militante, puis les échelons qu'elle a gravis. Le colère et la tristesse se mêlent à son enthousiasme de rendre nos luttes toujours plus fortes. Et donc, ça sera le mercredi 20 septembre à 20h au pôle d'air 250 rue Roger Salengro à LM. Donc, nombre de places est limité, il n'y a pas de réservation, donc il faut venir au plus tôt. Projection de Tori et Lokita de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Ayant fui l'Afrique pour arriver finalement en Belgique, Tori et Lokita se sont rencontrés en traversant la Méditerranée et sont devenus inséparables, frères et sœurs de cœur qui partagent le même rêve. Jean-Pierre et Luc Dardenne racontent leur épreuve avec empathie exemplaire. Superbe film humaniste. Toujours à l'affût, merci, toujours à l'affût des injustices. Il nous parle aujourd'hui de migrants mineurs laissés seuls face aux multiples épreuves qui accompagnent de tels parcours et signent un film sous tension qui nous saisit et nous ouvre les yeux. Et donc, c'est organisé par Amnesty International et ce sera le jeudi 19 octobre à 19h30 au cinéma L'Univers, 16 rue Georges Danton à Lille. Et donc voilà, vous pouvez retrouver ces rendez-vous et d'autres sur lille.demosphère.net. Merci Florent, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais j'ai tellement apprécié ce film. Voilà, l'émission est terminée. Nous nous retrouvons le cinquième samedi de ce mois, puisqu'il y a cinq samedis, pour parler des